Bonjour ou bonsoir. Lecture de deux textes, le premier étant une critique adressée aux militants et militantes quant à la gestion de la crise sanitaire en cours, et le second est une pétition à l'initiative du collectif Rogue ESR et qu'il est possible de signer et de rejoindre afin de mettre en place un arsenal plus large pour en finir avec la pandémie, pour prévenir les suivantes. Voilà, donc le premier texte, critique de la gestion dite sanitaire et libéralisme militant. C'est un texte qui a été publié le 15 janvier 2022 sur le site de Paris Lutte Info, paris-lutte.info au singulier, et en voici la lecture. Derrière les critiques les plus radicale, entre guillemets, de la gestion de la crise sanitaire, faut-il entendre que la société, ça n'existe pas, expression, ou la simple expression d'un déni. Contre le laisser-faire sanitaire, avec ou sans vaccin, nous avons montré notre capacité à nous organiser ensemble et à nous protéger toutes et tous. L'une des raisons pour lesquelles cette crise sanitaire qui n'en finit pas, me pèse, c'est qu'elle a mis à mal très profondément ces liens qui nous font tenir. Et je ne parle pas des fêtes et des moments collectifs, je parle de l'évidence que nous partageons des valeurs solides contre l'exploitation et pour l'égalité entre les personnes, pour le dire vite. Comme nous pensons en liberté, que nous y consacrons du temps et de l'énergie, nos milieux fourmillent d'opinions diverses, plus ou moins bien respectées par les autres. Mais que faire, comme disait l'autre, quand le sujet sur lequel on se déchire, c'est les bases pour penser la politique, soit le fait que nous dépendons les uns et les unes des autres. Car l'idée contre laquelle luttent désormais beaucoup de personnes qui furent des camarades, c'est celle de notre interdépendance. Du fait que nous ne pouvons pas faire des choix de vie sans les imposer à nos proches et moins proches. Et ce n'est pas ce mythe bien commode de la responsabilité de tuer un ours polaire quand on laisse la lumière allumée. C'est très concrètement que nous risquons d'infecter tel ou tel ami, parent ou tel inconnu avec qui nous n'avons partagé qu'un moment anonyme. Nous pensions avoir laissé derrière nous les maladies infectieuses et ne plus être menacés que par des maladies chroniques de cette société. Cancer chimique, maladies cardiovasculaires, de la sédentarité et de la bouffe industrielle, dépression, maladies mentales induites par la violence des échanges en milieu tempéré, entre guillemets. Mais non. En plus de ça, nous devons subir les attaques d'un virus et retrouver des gestes immémoriaux. Avant même de comprendre quels étaient les vecteurs de transmission, l'humanité des villes et des villages a appris très tôt à se protéger de ces maladies, souvent mortelles, avec des gestes basiques dont la quarantaine, des cas suspects et le confinement. Rien de nouveau. Mais ça ne semble plus acceptable aujourd'hui, plus compréhensible même. De polémiques sur les masques, inutiles. En polémique sur le vaccin, dangereux, c'est la même ligne politique, à hauteur du nombril, réclamant de faire des choix singuliers devant un sort commun, comme si la société, ça n'existe pas. Et tout y passe pour justifier le refus d'adopter des gestes exigés ou seulement conseillés par d'autres. Le déni de la dangerosité de la maladie en critique artistique du biopouvoir foulcadien, jusqu'à l'appel à reconstruire des capacités hospitalières. Oui, certes, mais un infirmier ou une infirmière, ça se forme en 3 ans et on ne va pas dimensionner l'hôpital public pour une vague épidémique à 10 millions de lits. Il y a celui qui exige la libération de la chloroquine, celle qui se soigne à la réglisse ou qui soutient qu'il suffit de vivre sainement, Celui qui a chopé le Covid avant tout le monde, avant les jeux militaires de Wuhan, si, si, et qui s'est guéri en prenant un bain très chaud, n'importe quoi, plutôt que d'accepter des gestes de prévention simples. Je comprends qu'il soit difficile de s'imaginer a priori vulnérable et qu'il soit vexant d'être perçu comme un vecteur de maladie. Seulement, des fois, ça arrive. Et il faut arrêter de se penser en majesté, tellement au-dessus de notre condition corporelle, autre chose qu'un nid à microbes ou un hôte à virus. Sans non plus faire de la maladie une fatalité, comme certains et certaines intégristes chrétiens et chrétiennes. Il y a de la marge entre les deux. Est-ce qu'accepter quelques règles sanitaires justifiées et en mettre en place certaines dans nos lieux constitue une soumission à l'ordre régnant? Nous étions quelques-uns et quelques-unes à proposer une gestion sanitaire communautaire, image de ce qui s'est fait sur le sida, sur le virus HIV, appropriation des connaissances, co-construction des pratiques et lutte pour les droits. Certains lieux ont contribué à informer sur l'importance de la transmission par les aérosols et sur le rôle anecdotique des surfaces, joignant le geste à la parole, telle la parole errante à Paris. Ces lieux ont maintenu l'obligation du port du masque alors que le gouvernement l'avait abandonné, tel Antigone à Grenoble, ou l'ont tout simplement fait respecter, non pas comme une loi, mais comme un bon principe d'hygiène, tel le pied de biche, marque-page en Haute-Loire. Pendant ce temps-là, le gouvernement entretenait l'ignorance sur la transmission et les bonnes pratiques, prenait des mesures incohérentes avec l'état des savoirs, laissait les entreprises organiser nos conditions de travail et faisait freiner ou repartir l'économie au maximum des capacités hospitalières pendant que nos vies pesaient bien peu dans l'équation. Notre volonté de nous protéger ensemble n'a pas fait de nous les relais d'autorité qui, à proprement parler, n'ont pas de politique sanitaire. Elle ne nous a pas non plus empêchés de documenter, dénoncer et lutter contre les mesures autoritaires étatiques, la concentration du capital et le mépris pour nos vies. En refusant avec les mêmes arguments le masque et maintenant le vaccin, soit une technique simple et une autre problématique qui inquiète certains et certaines d'entre nous pour leur santé ou qui contribue à engraisser quelques grosses compagnies sur les budgets publics ou qui est refusée au marché moins solvable que les nôtres, les apôtres du déni ont démonétisé leurs propos. Au fond, on a compris le message. Je fais ce que je veux. C'est libéral. Et au pire, c'est libertarien. Et ça évoque moins l'écologie radicale, les solidarités et les luttes pour la justice sociale que les choix des gens qui prétendent nous gouverner. Le résultat de ces théories pseudo-radicales, bien adaptées à l'ère rancie du temps, c'est une manière de penser la pandémie comme Macron a pensé le confinement. Pour les salariés, les bien logés, les valides, les personnes qui choisissent d'avoir ou pas des interactions sociales, qui ne se les voient pas imposer aux turbans. Ce discours, autant que ces pratiques, sont méprisantes et simplement dangereuses pour les travailleurs et travailleuses ubérisés ou sans protection sociale, qui vont être dans une galère sans nom si une pseudo-grippette les immobilise 10 jours, mieux. Ou pour les personnes fragiles, âgées, en mauvaise santé, immunodéprimées, en risque vital, et toutes celles et ceux qui sont en contact avec des personnes fragiles, soit, oui, un peu tout le monde. Plus d'un an et demi qu'au sein même de nos milieux, il semble acceptable de mettre en danger nos propres camarades. Pas étonnant qu'il et elle fuient. En fait, dans le texte, il y a des liens qui renvoient vers des textes, et en fait, la plupart des liens renvoient vers des textes que j'ai lus précédemment, donc ils seront de toute façon en description, ainsi que le lien de la pétition, comme d'habitude, dans la description de cette lecture audio. Toutes les lectures sont à retrouver sur le site archive.org, archive au singulier.org, et sous le pseudo de Caracol, Caracole. Je reprends la lecture, pardon. Quand Macron a organisé cet automne un relâchement global, la fête, mais seulement pour les personnes vaccinées, ça m'a rappelé ces espaces militants où trop souvent on fait tomber le masque à la moindre raison, ou bien on se flatte de ne jamais le mettre en refusant d'aérer 2 minutes parce que dehors il fait froid ou parce qu'il y a du bruit. Voilà. Dénoncer le pass sanitaire demande deux préalables. Que l'on soit pour ou contre le vaccin, faire des propositions pour préserver la santé de toutes et tous et ne pas ignorer les autres facettes de la société de surveillance. Sans ça, la qualité des alliances politiques est loin. Loin, loin d'être garanti. On comprend aujourd'hui que Macron fait le pari de l'immunité collective, comme Boris Johnson. D'ailleurs, ils viennent d'annoncer qu'ils relâchaient toutes les mesures. Et gère Bolsonaro en leur temps, mais avec le vaccin, en mettant de fait en danger les personnes non vaccinées et immunodéprimées, et celles que le virus va de toute manière faucher. Là, il y a une note qui dit que oui, le Covid tue encore plus de 1 000 personnes par semaine. Et en 2 mois, le chiffre a été multiplié par 6. Le Covid long pourrit encore les vies. Ça va continuer. Et c'est facile de faire les fatalistes tant qu'on ne se sent pas concerné. Et donc, effectivement, il y a des personnes dont la vie va être fauchée en plein vol. Et il y a des personnes qui verront leurs opérations reculer. Et les soignants et soignantes qui sont au bord de l'abîme. Cet énième cadeau au capital, cette énième politique d'austérité est avec vaccin obligatoire, ou quasi. Voilà la seule nuance d'avec les bons conseils de ceux, celles, qui depuis des mois astiquent leur nez content d'être à l'air. Voilà, ça c'est donc la première lecture de texte que je vous proposais, qui est donc un texte paru le 15 janvier 2022 sur paris-lutte.info sous le titre Critique de la gestion dite sanitaire et libéralisme militant. Et je vous propose dans la foulée d'écouter la tribune qui a été publié le 11 janvier 2022 dans Libération par le collectif Rogue ESR, qui est un collectif créé pour promouvoir une, disent-ils, une université et une recherche libre, exigeante et placée au service de l'intérêt général et de l'émancipation, à contrario de la politique menée par le gouvernement actuel. Le collectif a été créé en 2017. L'explication: Rogue implique la révolte. Ce qualificatif fut notamment adopté aux États-Unis par des personnels des agences fédérales scientifiques, NSA, EPA, NOAA, etc., en résistance aux politiques de Trump à l'occasion de la March for Science. Originaire de toutes les régions, il travaille dans l'enseignement supérieur et la recherche, donc l'ESR, dans des disciplines variées avec des statuts différents. Il ne représente pas les institutions de l'ESR, mais il espère rassembler celles et ceux qui les feront vivre au quotidien. Voilà. Donc vous pouvez retrouver la plateforme Rogue en ligne à l'adresse rogue.esr.fr, rogueesr.fr. Il y a aussi des mails pour les contacter. Et la tribune en question est une tribune que vous pouvez vous aussi signer en ligne. Vous la trouverez en fait sous le titre « En finir et prévenir » sur le site que je viens de mentionner. En voici la lecture. Un arsenal sanitaire large pour en finir avec la pandémie et prévenir les suivantes. Donc, le texte de cette tribune a été publié dans le quotidien Libération le 11 janvier 1922. Vous pouvez vous associer au, à ce jour, 1836 signataires en complétant le formulaire qui est en bas du texte sur leur site. Le bilan de la pandémie de SARS-CoV-2 est lourd. Des centaines de millions de personnes ont été contaminées dans le monde, faisant au moins 5 millions de morts, possiblement le double. Le variant Omicron, B.1.1.529, se propage très rapidement dans les pays dont la politique sanitaire repose exclusivement sur la vaccination et sur des mesures d'atténuation visant à ne pas submerger les hôpitaux. Cette vague épidémique n'est en rien une surprise pour le monde scientifique et nous avions explicitement averti de cette évolution probable. Et là, il y a un lien vers un texte précédent. De fait, la circulation large du virus conduit à un réservoir viral produisant mutations et recombinaisons, ce qui favorise l'apparition de variants à la transmissibilité élevée et déjouant l'immunité acquise, y compris l'immunité vaccinale. Et il n'est pas certain qu'Omicron soit le dernier variant avant une phase endémique saisonnière semblable à la grippe ou à d'autres coronavirus comme le OC43, le HKU1, le 229E, le NL63. Nous avons les preuves en revanche que le SARS-CoV-2 est particulièrement transmissible et que son échappement immunitaire peut être rapide. Parier sur l'atténuation des pathologies infligées par les variants successifs, qui seraient de plus en plus bénins, entre guillemets, c'est s'abandonner à une temporalité difficilement prévisible. Plusieurs pays ont mis en œuvre des politiques visant à maintenir de faibles taux de contamination en combinant vaccination, mesures de réduction des risques et investissement dans un arsenal sanitaire large et complémentaire. Ils ont connu moins de dommages sociaux et économiques, moins d'entraves à l'exercice des libertés publiques, moins de mortalité et moins de mise sous pression des personnels soignants. La vaccination générale est indispensable pour réduire les risques de maladies graves et de décès, mais l'incapacité à contrôler la circulation du virus par ce seul moyen entraîne une saturation des systèmes de santé publics, tandis que les hauts niveaux de circulation virale empêchent de tester, d'isoler et de retracer les contacts. Cet état de fait dégrade la qualité de soins pour l'ensemble des patients. Dans ces conditions, les slogans creux des uns, des unes et des autres sur la vaccination, qui opposent des conceptions simplistes et étroitement individualistes de la liberté et de la responsabilité, méconnaissent la réalité de la pandémie et détournent le débat politique et sanitaire des exigences du moment. À l'approche de l'élection présidentielle et dans ce contexte de développement épidémique, il est indispensable de revenir collectivement à l'ensemble des faits scientifiques et des mesures politiques sur lesquelles doit s'appuyer une stratégie efficace. Après 2 ans de pandémie, il convient d'adopter la stratégie qui a fait ses preuves là où elle a été suivie, en se révélant plus efficace, moins favorable à l'apparition de souches mutantes, moins défavorable à l'économie et plus respectueuse de l'exercice des libertés. Et cette stratégie se décline en 6 volets. Premièrement, programmer des campagnes de vaccination universelles à l'échelle planétaire et non seulement par la suspension des brevets, mais par un transfert des techniques d'encapsulation vers des centres de production régionaux destinés à un approvisionnement massif en vaccins de haute qualité. Deuxième volet, reconnaître enfin, sans équivoque, le consensus atteint en juin 2020 sur la transmission aéroportée du SARS-CoV-2 et en tirer toutes les conséquences pour construire des politiques de prévention de la transmission. Troisième volet, promouvoir l'utilisation de masques respiratoires de type FFP2 en intérieur ainsi que dans tous les environnements à forte transmission. A contrario, il est inutile d'imposer le masque en milieu extérieur en dehors des foules denses. Quatrième volet, mettre en place rapidement des normes de ventilation et de purification de l'air, filtres HEPA, UVC, etc., dans les lieux recevant du public sur une base rationnelle. Cela demande d'investir massivement dans la rénovation des bâtiments. À long terme, il conviendra de changer les pratiques architecturales en vigueur dans la construction et la rénovation des bâtiments publics pour y apporter isolation thermique et ventilation. Cinquième volet, mettre en place des processus efficaces de suivi et d'analyse des chaînes de contamination. Sixième volet, lancer immédiatement un plan de recrutement et de formation d'arpenteurs sanitaires, environ 50 000 emplois, qui accompagneront la mise en place de l'ensemble des mesures sanitaires, tests, aide à l'isolement, prévention. À moyen terme, il s'agira d'exercer une veille active au contact de la population et de participer à la diffusion d'une nouvelle culture scientifique et sanitaire dans le cadre d'une politique de la santé et du soin fondée sur l'anticipation à l'échelle des quartiers et des villages. Ces mesures sont le premier pas indispensable vers la constitution d'un arsenal sanitaire large et pérenne grâce auquel la France sera à même de faire face à d'éventuelles autres pandémies sans payer le prix humain du SARS-CoV-2. La responsabilité du politique est de sortir des clivages simplistes et de l'attente de la disparition miraculeuse de la crise. Notre société a besoin d'en finir avec la litanie des demi-mesures et des annonces paternalistes égrenées sans aucune visibilité ni logique au fil des vagues épidémiques. Renouer avec la joie de vivre et redonner du sens à notre existence commune implique d'apporter une réponse rationnelle et solidaire aux crises qui nous frappent. Après bientôt 2 ans de pandémie et à l'approche d'échéances électorales importantes, il est difficile de croire qu'un programme politique qui ne s'élèverait pas à la hauteur de ces constats en incluant des propositions sanitaires et scientifiques solides puisse avoir quoi que ce soit à dire sur l'avenir de notre société. Voilà, il est donc possible toujours de signer largement ce texte sans être forcément membre du collectif Rogue ESR, ni même scientifique d'ailleurs. N'hésitez pas à le faire. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vais évidemment, comme je le disais tout à l'heure, mettre plein de liens, dont celui du texte et de la... C'est pas une pétition, de la tribune. Dans la description de cette lecture, n'hésitez pas à la faire tourner. Ça aide les personnes qui n'ont pas la possibilité d'utiliser leurs yeux pour de multiples raisons, pour lire je ne sais combien de textes à la journée, pour se tenir informés. Et puis, je vous souhaite le meilleur qu'on puisse espérer pour les temps à venir. Au revoir.